copines. Putain, Jules, il s'est barré, quoi. Café aussi, moi. Ouais! Envoie du groove, Pan, là. Tes beats, là, ils sont où? Ils sont où, les beats à Pan? On se fait une petite grille là, yo, propose une grille. Après on se fait un barbecue, ouais. Pas trop compliqué hein, parce que vous savez que je suis batteur. Covid, comment ça va le Covid? Oui. Ouais, c'est parti là.